C'est mieux ce micro-là, bravo! Eh bien, c'est Pyongyang City Rockers numéro quoi? 343. 343. Ouais, merci madame. Il y a Célia qui est là. Salut. Ça va? Ouais. Et puis Manu, mais lui, il fait l'éminence grise. Il ne dit quasiment jamais un mot au micro, mais par contre, il surveille tout, il note tout. Et voilà, il a son téléphone à portée de la main pour prendre la moindre note. Et si on déconne, après ça, c'est hein, les petites tapes sur la tête là. Voilà. C'est Pyongyang City Rockers qui démarre. Normalement, on devrait avoir nos invités qui devraient arriver, ces gens et gentes de l'Ardente, qui vont venir nous parler du Silicate Fest, du concert qui est accolé, puis peut-être aussi de ce à quoi elle et il participe ce week-end, le High Five. Je sais pas comment on dit. Eh ben, on le saura dès qu'elles vont. Qui est elle? Enfin, je sais pas, je pense qu'il y aura que des meufs. J'en sais rien. Qui vont arriver. Pour l'instant, eh bien, je coupe la chic avec l'âge parce que ça commence à bien faire. Ce qui joue ce soir au bout de nos rêves, c'est Fane. Là non plus, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, Fane. Stéphane. Il joue en compagnie de Wizards of Oi et Plague 13. Vous pouvez courir, rouler, foncer, car le premier groupe, bah, ça commence maintenant à 20h. Et normalement, ce devrait être le premier. Le premier devrait être Plague 13. Fane, eux, joue vers 22h et des boulettes. Donc, vous pouvez aussi choisir d'écouter cette émission et puis après ça, d'y aller peinard jusqu'au bout de nos rêves. Hein? Jusqu'au bout de nos rêves. Et puis voilà. Et puis sinon, bah, si vous voulez quand même voir Fane, mais ne pas rater du tout l'heure de vous coucher, qui est, je vous rappelle, 21h, une fois que l'émission est finie, vous pourrez aller au Pits voir Fane, vu qu'ils y jouent vendredi. Ou alors mardi prochain, ils vont jouer au CCL avec plein de gens. Violence banalisée, Chlore, et puis je sais plus qui, Gutter, je crois. Voilà. Et bien, donc voici Fane. J'ai assez parlé pour le moment avec Maniac. Give up. Bon bah voilà, c'est quand même, il y a du branle-manche, hein. C'est bizarre, hein. Ouais. La guitare un peu, bon, enfin c'est pas mal sinon. Et puis une grosse basse, j'adore. Ça marche bien. Grosse basse aussi pour toi? Non, pas trop. Ah bon? Pourquoi? Ben moi je vais vous parler du coup du concert qui est organisé au CCL lors du week-end du Silicate Fest. Le Silicate Fest, nos invités viendront en parler après, mais c'est le normalement, si tout va 29 bien. Et le 30 juin. Et le concert, du coup, c'est le 29 juin au soir, à partir de 20h. Donc, il y aura Utopie, Turquoise, Colère, Bad Time et Kill Text. Ouais. Avec une belle affiche faite par M. Barreto. Barreto, comme d'hab. Barreto Industrie. C'est ça. donc, je vais commencer par les Lillois, Utopie. Bah, écoute, je t'en prie. Groupe de post-punk, avec le morceau Incendiaire, qui vient du LP Seconde Figure. En avant. Poète Poète Utopie qui jouera le 29 juin au CCL en compagnie de plein d'autres groupes. On aura l'occasion d'en reparler. Attends, il marche pas ton terre aussi. Voilà, il marche maintenant. Ça y est, ça marche. Voilà, on aura l'occasion de reparler dans cette émission dès que nos invités auront trouvé le chemin du studio. Je rappelle l'adresse physique de la radio, c'est bâtiment M1 de la cité scientifique. On accède par l'avenue Carl Gauss. Voilà, vous cherchez ça dans votre GPS parce que maintenant tout le monde a un GPS. Ils savent plus s'orienter, ces gens. Voilà. Si tu mets Radio Campus, ça marche. Ouais. Ah ouais, maintenant ça marche. Putain, ah, peut-être bon. Pas. Parce que sinon, tu mets la MDE et après, tu sais que c'est pas loin. MDE, puis en face. Et ben, puisque j'avais commencé à faire des annonces de concerts, voici une au bout de nos rêves également. Ça va être samedi qui arrive, le 22 juin. Il va y avoir Revanche et Violent Times organisé par Mawashi. Et puis, tiens, je me dirais qu'il y a quelqu'un qui fait partie de l'organisation qui est dans le studio, donc je vais peut-être pouvoir l'interviewer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. T'as vu, hein, tu me prends des pourvus, tu me forces. Bon, alors, c'est quoi ce bordel? Il y avait trois groupes. Ah ouais, prévus, après, c'est toujours les aléas d'organisation. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. On n'aura pas bavure, malheureusement. Ah, c'est bête parce que c'est bien. Ah, ce n'est que partie remise. Ouais. Bon, il y aura quand même Revanche et Valentine's. Tout à fait. Si c'est ça. Les Genevois qui seront à Bruxelles, genre la veille. Et Valentine's aussi sur la route. Donc, tu préfères que je commence par quoi, Revanche ou Valentine's? J'ai un titre de chaque. Ouais, un petit Revanche. Allez, c'est parti. Et ben justement, c'est parce que quelqu'un les a dénoncés apparemment. Si on m'a dit de passer Poucave. Et donc ils passeront au BNR ce samedi. Le bout de nos rêves, mais n'importe quoi. Complètement dans le gaz, le mec. Bout de nos rêves, Grand Route numéro 141 à Gorin-Ramecroix. Attention, vous mettez bien Gorin-Ramecroix, sinon vous vous trouvez sur une autre Grand Route numéro 141 dans un quartier résidentiel où il n'y a pas de bistrot et où il n'y a pas de punk. Puis après, vous ramez dans la campagne. Ouais, sinon, au bout de nos rêves sur le GPS, ça marche voilà. Aussi. Maintenant, ça marche. Putain, c'est bien. Moi, je suis pas au fait des GPS, tu sais. Mais je vais sur la carte avant d'y aller, puis j'y vais. Et donc, c'est organisé par Mawashi. Ça va vous coûter 8 euros si vous voulez voir ces deux groupes. Et puis, il y aura plein de gens bien. Et puis, le patron du bistrot, il est gentil. Adorable. Et puis, il y a de la bonne bière. Et puis, voilà. Puis, ça sera une belle soirée. Et d'ailleurs, j'ai de la place dans la voiture si y a quelqu'un qui n'est pas véhiculé. Donc, voilà. Voici Revanche avec Poucave. Sous-titrage Société Radio-Canada. même pas un fade out, c'est un mini Larsen, c'est joli, ouais. C'est quoi, bah, c'est Revanche. Le titre c'était Poucave et Revanche, qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus, bah, je sais plus. Si, leur titre là est sorti sur leur EP À Jamais, qui vient d'arriver chez Primator Crew. Ouais. Ouais, ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même. J'aurais un bon gros 8-10 mois peut-être. 10 mois ? Ah bon, ouais. Merde, je me suis trompé alors, merde. Bon, bah c'est tout. Bah ouais, mais 10 mois, tu vois, à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Hein. Puis on en parlera encore dans 10 ans, donc 10 mois, c'est pas grand-chose. Vous écoutez Pyongyang Gangsta Rockers avec moi-même qui me prend les pieds dans le tapis à chaque fois que je parle. Et Célia, heureusement, qui redresse le bordel. Moi, je vais continuer à faire la pub pour le concert du CCL. Hein. Ouais. Je vais passer un petit morceau de Turquoise. Turquoise, c'est un groupe de D-Beat Punk de Paris avec des membres de Barren et de Ivis. J'ai choisi le morceau Garde-feu qui vient du LP Sans larmes et râles qui est sorti en 2023 chez Les Cœurs de l'ennui et Symphony of Destruction. Plan Motorhead, la gratte, là. Je sais pas. Apparemment, nos invités se sont trompés d'heure, donc on va devoir meubler jusqu'à leur arrivée vers 20h55. pour l'instant. Ça sera quand même avant 21h. Ouais, ça devrait être avant 21h quand même, je l'espère. Vous écoutez Pyongyang City Rockers et je vous présente le nouvel album de Astroïd, titré L'As des Astres, volume 1. Ce qui sous-entend qu'il y aura au moins un volume 2, peut-être même un 3 ou un 4. Après, ils feront un quadruple album en édition limitée avec une grosse pochette en cuir ou alors en moumoute. Ça sera super. Pour l'instant, dessus, on y trouve 10 titres. Il y en a déjà un ou deux qui ont été publiés, voire clippés. Mmh. Et justement, un de ceux qui ont été clippés qui est sorti vendredi dernier. Je sais parce que j'étais avec lui quand il l'a balancé sur YouTube. Puis après ça, je lui ai montré son nouveau site web et il était content. je parle de Laurent. Ce titre de Astroïd, donc, c'est Le Dire et l'Enfer. Et une fois n'est pas coutume, on peut presque comprendre, je dis une fois n'est pas coutume par rapport à tout ce qu'on passe ici, on peut presque comprendre les paroles rien qu'en écoutant. Pour dire que c'est du punk français. Et puis que c'est bien. Et puis c'est Astroïd. Et puis voici Le Dire et l'Enfer sur cet album qui pour l'instant n'est sorti qu'en CD. Mais je crois qu'on devrait avoir des vinyles dans pas longtemps. Ouais, assez rapidement. Et d'ailleurs, ils jouent vendredi au... Ouais. Merde. Au bidule. Ouais. Avec les Mookills et avec Psychrofort. Voilà. Ça commencera à quelle heure? Je sais plus. 19h. Bon, je le dirai après. Je sais plus. Pour l'instant, l'Astroïd. Allez. Êtes-vous prêt à être jugé? Eh bien, apparemment, je n'ai pas le choix. Mais d'abord, j'aimerais savoir de quoi on m'accuse. Je suis un rocker, pas un curé. Les curés car, moteur de rocker. Les mecs à grand sur Je veux l'anarchie des éduqués, pas des coupables du dépensé. Alors toi, j'ai des frustrations. Ah ouais, toi, me donne pas de son, c'est pas moi. D'accord, t'as raison, c'est pas moi. Le danger au fond. Ouais. Coluche des proches hallucinés. Coluche des proches hallucinés. Boxeur connu, bien la futée. Ouais, faut regarder le clip, il est rigolo. Sur YT. Il a été tourné dans un petit théâtre à l'homme. Ah ouais. Ouais. D'accord. Allez, mets un truc, quoi. Alors, bah, je continue. On se jure, elles arrivent. Sur la pub. Là, je vais recevoir un message dans 10 minutes. Ah. Je chronomètre. Hein. Je continue, je suis toujours sur la pub du concert ECCL le 29 juin. Je vais passer un morceau de Colère. C'est du 10-bit hardcore punk de Belgique. Je pense qu'ils viennent plus des Flandres, mais ils mettent Belgique sur leur banc de camp. C'est pas des gens de Anvers dans ce coin-là, non ? Peut-être. C'est possible. Ils ont sorti un LP qui s'appelle Unleashed en janvier 2024 sur plusieurs labels, dont Pang Pang Records et Up the Punk Rex. je vais passer le morceau Europe de Colère. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Tu préfères pas passer Colère de Europe ? Bon. Mais bah alors, c'est quoi ce bordel ? Oh là là, je vous jure. Hein. Bon, toujours pas, hein, le compte à rebours est lancé. Et bah, puisque c'est ça, je vais passer à un deuxième titre congruent à ce concert de samedi prochain, 22 juin, au bout de nos rêves. Revanche que nous avons passé tout à l'heure. Et maintenant, ça va être Violent Times. C'est des Allemands, ils viennent de Francfort, si ma mémoire est bonne. Et puis, c'est du véritable street punk allemand. Ah, ouais. Hein. Il y a un petit côté, enfin bon, ouais, tous les groupes dans ce genre-là. Les voici avec Crisis. Merde, j'avais noté ce qu'ils ont sorti. Il y a un album qui s'appelle The New Force of Oil. Lui, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti en début avril 2024. J'ai bon, monsieur ? Tout à fait. Merci. Voilà. Et donc, vous aurez l'occasion de les voir ce samedi au BNR pour 8 euros l'entrée, pour voir aussi Revanche, les Suisses. Et donc, voici maintenant Violent Times, les Allemands avec Crisis. We'll be right back. Ça va être bien. Revanche et Violent Times au bout de nos rêves samedi 22 juin à partir de 20h pour 8€ l'entrée. Organisation Mawashi. Ouh, j'ai bien fait. Ouais, oui, très bien, fait. Très bien. Bon, ils arrivent le. Parce que les gens n'ont pas vu le coup de pied sauté que t'as mis, mais. C'est plus de mon âge. Bah, je continue toujours la pub du même concert. Hein, donc, quatrième groupe, c'est Bad Times. C'est un duo de Sandpunk d'Anvers qui existe depuis 2020. Ils ont déjà 4 cassettes à leur actif et ils ne sont pas trop embêtés pour les noms de la cassette. La première s'appelle Bad Time Volume 1, la deuxième Bad Time Volume 2, ainsi de suite. Et ils ont sorti un vinyle qui regroupe les 3 premières cassettes. Donc je vais vous passer le morceau Crash and Burn de Bad Time. Youpi. Et puis après on enchaînera sur autre chose, je pense. Hein? Peut-être. We'll be right back. c'était quoi cette affaire? C'était Kill Test. C'était Kill Test, c'est ça. Et le titre Blood Like Water, Kill Test vont jouer le... Quoi? Ils vont jouer le 29 juin au CCL. Alors que ça y est, nos invités sont arrivés, après que je leur ai fait une farce consistant à leur faire croire que l'émission commence à 21h. Elles ont dû courir. Et rouler à toute vitesse. Toute rouge. Ça va, tu vas boire une bière, ça ira bien. Ça va? Bah oui, super. Alors présentez-vous, Jeanne, comment tu t'appelles? Bah moi, je m'appelle Jeanne. Et Malvina, tu t'appelles comment? Bah je m'appelle Malvina. Bravo, c'est bien. Alors, vous êtes deux membres du collectif L'Ardente, édition. Et vous organisez le Cinecat Fest les 29 et 30 juin prochains. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et là, vous êtes en pleine foufelle. Vous avez plein de boulot. En plus de ça, juste ici ce week-end, vous participez à un autre événement. Une journée porte ouverte, des ateliers d'artistes qui se trouvent autour de FIV et LEM, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est les 22 et 23 juin, de 14h à 19h. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle I5. Ouais, voilà, c'est I5. Merci. Et ça se passe au Monterre à FIV. Voilà, donc c'est tous les ateliers d'artistes et il y en a quand même un petit paquet qui se trouve dans ce secteur-là, autour de anciennement CAI, on va dire. Bah ouais, c'est ça. Du coup, j'ai le papier à côté de moi. Il y a nous, il y a le camoufleur, il y a la fosse commune, il y a l'atelier 4, il y a le bizardin aussi. Et des artistes de volume ouvert qui exposent dans les ateliers des uns et des autres. Donc c'est plutôt chouette. C'est une petite balade, mais vraiment sur quatre rues, quoi. Ok. Et donc, ça, c'est donc des portes ouvertes où vous allez peut-être essayer de... Ça va, t'as chaud? Oh, j'ai un peu chaud. Je te vois, t'as chaud. Elle a une suée. On va mettre la clim, elle est au-dessus de toi, là. Mais pour l'instant, elle ne marche pas. Donc, non content de participer à ces portes ouvertes qui vont quand même vous bouffer deux journées pleines, au terme desquelles vous serez complètement fatigué. Bon, 14h, 19h, ça va. Oh ouais, c'est pas des journées, c'est que des après-midi, bah ça va. Bah ouais. Ouais, bah y a rien. Tranquille. Donc après, ça enchaîne sur la semaine suivante, le 29 et le 30. C'est ça. Cinecat Fest. C'est ça. Il y en a déjà eu l'année dernière qui s'était déroulée à la Malterie, si mes souvenirs sont bons, où il y avait plein de monde, plein d'exposants. C'était un festival international l'année dernière et plus cette année. On ne l'a pas marqué. Ouais. Pourquoi? Mais c'est toujours international. C'est complètement international. Ouais. C'est-à-dire, il y a des Belges? Ouais. Et puis? Voilà. Je pourrais dire, je sais pas, transfrontalier, quoi. Tu sais. Oui, bah non, mais du coup, ouais, là, cette année, on l'a pas marqué. Après, il y a quand même une. Au final, on est à 27 exposants, ah ouais, plus des distros aussi. Donc, c'est plus que l'an dernier? Non, c'est un tout petit peu moins. Ah ouais. C'est juste qu'on était fort serré l'année dernière à la Malterie. Fort serré, ouais. Mais c'est quand même. C'est bas de plafond aussi à la Malterie. Ouais, puis il faisait 40 degrés, ce qui va probablement pas être l'autre cas cette année. D'accord. Peut-être, mais il va perdre espoir. Et donc, ouais, là, ça se passe pas à la Malterie, mais au Tirlaine. Ouais, c'est au Tirlaine, du coup, c'est dans le quartier de Moulins, intérieur-extérieur, normalement, parce qu'ils ont une belle cour. Mmh. Et on a ajouté des distros aussi cette année, en se disant que c'était cool aussi qu'il y ait des disques. Ouais. Et de la musique. Et des zines. Et des zines, bien sûr. Ouais. Of course. Toujours. Pourquoi ça se passe au Tirlaine cette année et pas à la Malterie? Pourquoi? Je pose des questions, je suis curieux. Hein. Bah, parce que ça s'est présenté comme ça. La Malterie, c'était, je pense, un peu compliqué pour eux parce qu'il se passe plein de choses dans l'organisation là-bas. Ouais, c'est devenu Malterie Musique maintenant. Je sais pas. Bah, c'est ça, ça a l'air d'être. En fait, les ateliers d'artistes sur tous les étages ont sauté. Et il n'y a plus vraiment que la salle de concert en bas, ce qui a nécessité, une grosse réorganisation. Pour eux, et du coup, c'était plus simple d'aller voir les copains-copines du Tirlaine cette année. Puis aussi, c'est chouette de changer de lieu. Oui, et puis ils nous ont super accueillis, donc on est hyper contents de faire ça avec eux aussi. Ok. Et donc, ça va aller. Dites un peu ce qu'il va y avoir comme truc. Là. Qui va exposer? Il y aura quoi? Et qui? Et quand? Comme on est arrivé en retard, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais. J'ai parlé que du concert. Ouais, voilà. Du coup, c'est un festival de l'image imprimée et de la micro-édition. Du coup, c'est vraiment des gens qui fabriquent des bouquins ou des affiches, des fanzines, des choses comme ça, de manière totalement DIY, souvent en utilisant la sérigraphie, la gravure. Et du coup, le propos du festival, c'est vraiment ça, c'est de valoriser et de montrer tous ces gens qui réalisent des choses un peu à droite, à gauche, pas forcément avec des financements non plus d'ailleurs. Et en même temps, qu'ils font des super choses avec avec une belle part au dessin quand même. Il y a des gens qui écrivent et tout ça, je pense par exemple, ou qui publient des textes, je pense par exemple aux âmes d'Atala. Mais il y a aussi plein de gens qui sont plutôt dans tous les réseaux gravzine, illustration, et du coup qui produisent des, bah voilà, des images, des dessins, des choses comme ça. Des quoi. Affiches. Des affiches aussi. Ouais. Moi je ramène ça au punk rock, hein, tu vois. Bah non, mais t'as raison, c'est clair. Hein. Ouais. Ça y est, je sais plus ce que je veux dire. Oui, en plus, donc il y a ce concert que vous organisez, c'est vous qui l'organisez aussi en parallèle le samedi soir au CCL. Ouais, on fait une boum. Mais c'est pas que nous, l'Ardente, c'est tous les copains, copines qui filent la main aussi et qui aident à organiser et le festival au Tire-Laine et le concert. Ça fait combien de gens? Une petite dizaine. Ah ouais, ouais, entre, je pense, 10 et 15. Parce que sur Réunion, il n'y a pas toujours tout le monde, donc je pense entre 10 et 15. Ouais. Parce qu'en fait, Célia, elle en fait partie. C'est ça. T'as vu, hein. Pour ça qu'on est au courant un petit peu. Et donc, ça prend combien de temps à préparer un festoche comme ça? Je sais pas combien de temps ça prend. Bah, c'est surtout qu'il y a des timings, effectivement, pour envoyer les invitations. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. Hein. C'est effectivement en termes de mois. Mais c'est pas du temps plein pendant des mois. Mais effectivement, il faut inviter les gens pour qu'ils puissent mettre ça un peu dans leur agenda. Enfin, pour les exposants, hein, je parle. Ouais. Après, pour l'orga, tu vois, c'est grosso merdo... 5 mois, une réunion par mois, sur 5 mois, tu vois, c'est 5-6 réus qu'on a fait. Mmh. Des choses comme ça pour essayer de rencarder tout le monde, pour avancer sur l'orga de manière générale. Mais effectivement, comme Mavina le dit, c'est pas un temps plein, quoi. Et puis vers la fin, ça accélère. Bah là, ouais, on va se prendre un petit rush la semaine prochaine. Vous étiez encore en train de mettre mettre des trucs dans des cadres, par exemple. Si alors, c'est pour compris. Ce week-end. Ah, c'est pour ce week-end, ah ouais, pardon. Peut-être pourquoi que ça tu nous as regardé par la fenêtre en passant? Non, mais il y a quelqu'un qui est arrivé en sueur et qui a tout dit. Bon, et donc, Silicate Fest numéro 2, pourquoi fait Silicate? Oui, j'ai oublié de demander la dernière fois qu'on s'est vu. Ça veut dire quoi, Silicate? D'où ça vient? Je me rappelle plus. Ah bah écoute, il y a Haute Carbone qui en parle très bien dans sa newsletter de l'Imposte. Et effectivement, j'aurais dû la prendre avec, hein, mais le silicate, c'est vraiment une histoire de minéraux et de choses qui ont trait à l'imprimerie et ce qui compose les encres d'imprimerie. C'est ça. C'est aussi ce qu'on trouve dans les, vous savez, dans les boîtes à chaussures quand on achète des godasses neuves. T'as ce petit sac vrai. Là. En fait, c'est du silicate et comme tu dis, ça me revient, ça fait partie de... C'est un composant nécessaire à plein d'encres dont on se sert pour faire de la gravure ou de la lithographie. Enfin voilà, tous les métiers un peu de l'imprimerie. Donc, c'est vraiment un terme technique d'artisanat. Ouais, mais on trouvait ça joli aussi. Ouais. Bah ouais. En fait, quand on a monté l'Ardente, on s'est fait un brainstorming avec plein de mots différents. Et silicate, on faisait partie de l'atelier silicate et c'est pas ce qui a été retenu. Et du coup, on s'est dit que c'était cool d'appeler le festival comme ça. Alors pourquoi c'est devenu l'Ardente? Ben parce que c'est joli aussi. Parce que l'Ardente, ça vient aussi de... En fait, l'eau de Javel, c'est... L'eau ardente, c'est un autre mot de... Enfin, une autre façon d'appeler l'eau de Javel. Ok. Et c'était aussi utilisé... En fait, on a trouvé tout ça dans un vieux bouquin d'imprimerie, mais très ancien. Donc avec des termes anciens. Et l'eau ardente en faisait partie. Okay. Mais on a choisi de garder que Ardente. C'est ça qui est bien quand on visite votre atelier, c'est qu'on tombe quand même sur plein de trucs qui ont l'air d'être complètement sortis du fond des âges. Et puis à côté de ça, des trucs complètement modernes, actuels. Tu parles de vieux bouquins et c'est à ça que ça me fait penser. Quoi. Et puis aussi, il y a des énormes machines, là. Je ne sais même pas à quoi ça sert, il y a des bidules. Voilà. moi, ça me plaît beaucoup ce genre de choses. Donc, c'est peut-être pas ça qu'on verra au Tire-Laine dans 10 jours. Non, mais c'est que des gens qu'on a invités qui font un peu tout pareil que nous, quoi. Et qui d'accord. ont aussi probablement des énormes bidules dans leurs ateliers pour fabriquer des bouquins faits main. Et... Alors, quand je dis énorme bidule, le vrai terme, c'est quoi? Presse? Oui, alors je pense qu'il est. Stéphane essaie d'évoquer ton brin. Mon brin. Je pense que c'est le combi de relure. Ben oui, il y a des machines anciennes, c'est sûr. Voilà, ouais. Ben, parce qu'en même temps, enfin, effectivement, la presse, c'est une vieille presse de reliure qui fait combi, étau, cisaille, tout ça. Et effectivement, je pense qu'elle date de 1900, par là. Oh, trop bien. Ouais. Donc, de la vieille fonte. Ils veulent fermer le... Ils s'en vont. Ils veulent fermer le frigo. Pas du tout. C'est pour ça que je fais des grands signes. Ok. Bon, allez, on va passer un petit peu de musique parce qu'il est déjà 20h45 à l'antenne de campus. Et puis, en Yangtze Rockers, nous accueillons Malvina et Jeanne de l'Ardente qui nous présentent le Silicate Fest et le High Five et le concert du Silicate le 29 juin. Et maintenant, vous allez passer un titre dont vous avez le secret vu que vous avez proposé de la musique. Alors, ça va être quoi? David Hasselhoff. Okay. Ça, c'est trop génial. Ouais, et celui-là n'est pas encore passé. C'est la playlist qui passe tout le temps chez l'Ardente. Ouais. Et celui... On a déjà passé un titre de David Hasselhoff ici quand vous étiez venu il y a un an et demi, je dirais. Mais c'était pas celui-là, donc c'est bien. On va pouvoir compléter. C'est super, je suis hyper contente. I've had another birthday, I must be getting old. When I look in the mirror, what a story to be told. It doesn't really matter if I lose a little hair, or if my knees are wobbly and I'm walking up the stairs. I should be slowing down. I'm putting on my dancing shoes and heading for the town. Life begins at 66, I'm having a wonderful time. Life begins at 66 and everything is fine. Life begins at 66, the best is yet to come. One, two, three, four, it's only just begun. Mit 66 Jahren, der fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren bekommt man erst den Schuss. Mit 66 ist nur lang und nicht Schluss. I've had another birthday, I must be getting old. Should be slowing down. I'm putting on my dancing shoes and heading for the town. Life begins at 66, I'm having a wonderful time. Life begins at 66 and everything is fine. Life begins at 66, the best is yet to come. One, two, three, four, it's only just begun. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, mit 66 Jahren bekommt man erst den Schuss. Mit 66 ist nur lang und nicht Schluss. Eh bien, c'est un avant-goût de ce qu'on pourra écouter le 29 juin au CCL. David Hasselhoff. De crier. C'est sûr, il va venir. Ouais, non, pas tout à fait. Hein. On les a passés avant, ce qui va passer le 29 juin. Mais donc, c'est ça qui passe en fond sonore quand vous faites des réunions, que vous travaillez à l'Ardente? Non. Si? Non. Bon. Non, on adore écouter ça quand on bosse. Ouais. Bah voilà, quand vous travaillez. Quand on fait de la sérigraphie, okay. Par exemple. Ouais. Ouais, il faut bouger et pas forcément tout le temps trop réfléchir. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça incite pas à réfléchir. Non, mais ça incite à être heureux. Bon, d'accord. Rappelons, depuis tout à l'heure, on parle de l'Ardente et on n'a même pas dit où ça perche. Adresse, s'il vous plaît. Alors, ouais, pour le week-end d'ouverture, là, ce week-end, ouais. Du coup, 20. De 23 après-midi, c'est au 1 rue Hippolyte Laurent à Lille. C'est à juste côté du Splendide, en fait. Splendide, ouais. Côté entrée des artistes. D'accord. Puis de toute façon, il y a du monde devant, puis on voit, il y a un peu d'agitation et tout. Hein. Bah ouais, souvent il y a ça. On peut pas rater. Voilà. Et donc l'adresse de Silicate Fest, c'est rue de Thuménil. Ouais, c'est au ça. Au Tirlaine, c'est ça. C'est le 50. En face de la MOJT. C'est possible. Ouais, si. Bon, bref. Exactement. On parle un petit peu. Il y a des trucs que vous voulez mettre en exergue parmi vos exposants, ou alors de faire la liste de tout le monde. Allez. Eh ben, pour les exposants, on a invité nos bestes Haute Carbone et Polquin. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, Haute Carbone, c'est vraiment, vraiment la best en sérigraphie dans tout ce que je connais, je crois. Elle fera des démos de sérigraphie ou pas ? Non, je pense pas. Mais elle ramène ses éditions et ses affiches. Alors, il y a ses propres dessins à elle, et elle fait aussi de l'édition collective. Elle va peut-être, alors info en avant-première, venir avec un artiste de Colombie. Voilà. Donc il y aura peut-être effectivement vraiment de l'international festival. Ce sera la surprise, on verra. Et pas mal de Lillois aussi, quand même, sur ce festival. Alors, aussi bien plutôt en littérature engagée, comme Colline Jeanne, Les âmes d'Atala, Le Sabot et Terrain de jeu, qui sont plutôt dans tout ce qui est texte. Bien Le Sabot. Ouais, Le Sabot, c'est chouette. Hein. Ouais, j'aime bien aussi. Je recommande. Les éditions du Cœur Joyeux, Emmanuel Gaillet, avec qui on a pas mal bossé aussi à l'atelier. The Pete, Delphine Fan, eux qui sont plutôt dans l'illustration. Voilà, mais c'est des Lillois. Ainsi que Raoul Lamoule, qui fait pas mal de dessins de choses en feu. Genre des moules en feu, tout ça. Moules en feu. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. On a notre Maxicat, éternel Maxicat, ouais, qu'on croise souvent avec son pote Florian Ozor. Et actuellement, il y a une expo musicale de Maxicat. Ah ouais, c'est vrai. Exact. Ouais, exact. Et aussi Yota Yota, qui ont inauguré leur nouveau local le week-end dernier à Fâche Thuménil, qui est aussi un atelier d'impression sur l'île, un peu comme l'Ardente. Enfin, ils font pas de sérigraphie, je pense, je ne sais pas. Non, ils font surtout de la gravure. Surtout de la gravure, oui. Et on a les anciens, je veux dire, enfin, anciens, c'est peut-être, je sais pas, mais on aura Artisan. Ouais. Donc Nénès et Julie qui seront là, alors du coup, plutôt pour présenter de l'archive. Que vraiment de l'édition et de l'image. Mais enfin, Nanas, il avait fait des collages aussi. Je pense que cette année, ce sera, il y aura encore ça. Voilà. Ouais, l'année dernière, il a fait du collage. Et puis, mais par contre, il faut le travailler un petit peu pour qu'un jour, on arrive à faire une vraie édition. Ouais, issue de ses archives. Parce que franchement, ce serait génial. Bah voilà, il faudra venir en parler avec lui. Ouais, d'accord. Bah, tu sais, au Tirlaine. C'est pas faute de lui avoir déjà proposé, hein. Mais bon. Un jour, il va dire ouais. Ouais. Bien sûr. Et j'espère qu'on aura les bouquins de Jean-Jacques Tadjian, même qu'il sera là. J'espère qu'il sera là. Tu veux dire Rotring, El Rotringo. Oui, le El Rotringo, ouais. Effectivement. On a les copains d'Amiens aussi, des éditions du Monstre et la SARL. Voilà, je sais pas, eux, ils font aussi un petit festival. Qui s'appelle la Micromachine. D'accord. À la briqueterie Amiens. Donc on les invite aussi. Enfin voilà, c'est l'occasion de revoir les copains. Il y a ceux de Paris, Cox qui viendra présenter le Fanzinarium et Motorbooks et Psychosine, qui est sa distro à elle. Et la Lézarde. Alors la Lézarde, c'est aussi une distro qu'on peut retrouver sur les quais de Seine à Paris. Ils sont Il y a des petites baraques, ouais, là, qui sont... Les caisses en bois, là. Ouais, c'est ça. Celles qu'ils ont voulu dégager. Pour les ils n'ont pas réussi. Ouais. Hein. Et qu'ils n'ont pas réussi. Bah, ils voilà. Mais ils ont quand même réussi à tuer Tailuk. Bon. Ouais. Bon, voilà. Donc là, Lézarde s'est installé sur les quais de Seine et viendra à Lille pour l'occasion du silicate. Et après, les Bruxellois. On a pas mal, effectivement, de gens de Bruxelles. Le Sterput, l'Orbisme, et le couloir du scandale, attention, qui, pour l'occasion, c'est Paris, évidemment, je me trompe. Bruxelles brûle-t-il et Chambre froide qui s'associe pour faire le couloir du scandale. Mmh. Donc, c'est quoi ça? Il y aura des. Ben, c'est de la distro et aussi atelier collage. On propose des ateliers pour faire de l'image. Je pense que c'est quelque chose vraiment à vivre en live. Mais par contre, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais sur les deux jours, il y a quand même à chaque fois des gens qui proposent des ateliers un peu en continu le samedi et le dimanche. Oui, trash gravure aussi. Soit de gravure, soit effectivement de collage d'images et tout ça, mais il y a quand même cette idée de aussi de demander aux gens, enfin de demander non, mais en tout cas de proposer aux gens de participer à l'élaboration de jolies créations. D'accord. Donc il faut y aller les deux jours. Parce qu'on peut faire plusieurs ateliers. Ouais, trop bien. C'est ça. Vous savez qu'il est, il faut savoir qu'il y a 20h56. On va devoir rendre l'antenne dans moins de 4 minutes. On a fait le tour. On a parlé de tout le monde. Il y a aussi les ateliers du Bourg qui viennent de Rennes. Et puis, voilà, ça aussi, c'est international. vous avez un beau logo, l'Ardente. Ah ouais. Alors ça, c'est grâce à Tom Bornarel. Ouais. On a trop de la chance. Lui aussi sera là. Non, il sera pas là cette année. Il était là l'année dernière, par contre. Ouais, il était là. Mais il joue avec Pédigré ce jour-là, à Lille. À Bois-Blanc, au concert. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais vaut mieux aller aussi les quatre. Ouais. On peut faire les deux. Le message est passé. Bah, écoutez, donc, qu'est-ce qu'on va passer comme dernier titre, vu qu'il est 57 Je sais pas. Je passerais bien un bout de Africa de Toto, même si. Ouais, on peut dire au revoir et le passer. Oui, bah ouais. Je vais même le lancer là en fond, ça va être bien. Bon, je baisse un peu là. On rappelle donc Silicate Fest les 29 et 30 juin au Tirlaine, rue de Thuménil, à Moulin-Lille. Le soir du 29, concert au Silicate au CCL. Ce week-end, High Five, la tournée des Grands Ducs et des ateliers d'artistes autour de Koy, Afiv et Oilem. Voilà. Et puis, c'est les après-midi seulement, hein, je m'étais trompé. Et puis, on n'oublie pas non plus Revanche et Violent Times au bout de nos rêves ce samedi à 20h. Et puis, on n'oublie pas. La cab. Voilà, et à la semaine prochaine pour Pyongyang City Rockers numéro 344. Merci les amis. Ouais, merci à vous, merci Jeanne, merci Malvino. Et bon anniversaire à Ripoll. Oh, bon anniversaire Ripoll. Merci les filles. Hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.